D'abord, une vue un peu globale de la métropole et du pays de Rennes. Allez-y. Donc, vous êtes dans un territoire urbain qui se développe. Il y a une grande croissance, troisième territoire en termes de croissance d'habitants de France, après Montpellier et Toulouse. Comme la Bretagne d'ailleurs, hein, comme la Bretagne tout entière. Donc un territoire qui a sa surface, qui ne s'agrandit pas, et qui doit donc assumer l'accueil de population, et en même temps un territoire où il y a pas mal d'étudiants, puisque à Rennes, métropole, il y a 60 000 étudiants. On y va? Donc ce territoire, l'histoire de ce territoire, c'est une histoire qui est marquée par la planification du territoire. Vous allez le voir. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte ce matin en bus, c'est un territoire où la ville, au sens de la ville-territoire, s'est organisée depuis longtemps avec des principes d'organisation autour de la ville-centre. En 1980, le schéma qui vous est montré, c'est 50 ans d'évolution, hein, parce que le dernier, ce serait 2000, 1950, 1970, 1990, celui de la tache urbaine. Donc, un territoire, donc cet ensemble-là, il fait à peu près 400 000 habitants. Tout à l'heure, on va avoir une carte qui en fait 500, mais à peu près 400 000 habitants. Donc, avec un territoire centre où il y a 200 000 habitants et 200 000 habitants répartis autour. Et vous voyez que les tâches urbaines sont vraiment identifiées sur le territoire, c'est-à-dire avec l'idée donc de bourgs, de villes, comme Mordel, hein, 7 500 habitants, de villes qui ont une assise de ville avec un territoire agricole et naturel autour. Ça se fait pas au hasard. Et ce n'est pas le résultat du hasard, parce que si les gens qui ont planifié ce territoire avaient laissé faire, il y aurait du monde partout. Et il n'y a pas du monde partout. Il y a du monde dans les bourgs et des campagnes, restent les campagnes. Surtout qu'on accueille 5 000 logements par an depuis à peu près 10 ans dans ce territoire. On y va? Donc pour gérer cette organisation du territoire, je vous l'ai dit, c'est ancien, puisque c'est depuis 1970 qu'on planifie le territoire. Le dernier document qu'on a à notre disposition, c'est le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes. Alors, il a, par rapport à la carte précédente, un territoire un peu plus grand que celui de la métropole. Vous avez une carte ici, c'est celle du Pays de Rennes, qui est en même temps le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc, ça couvre la grande zone de Rennes Métropole, mais aussi quatre communautés de communes qu'il y a autour. Donc hier, vous étiez en haut là-bas, hein, vous étiez, regardez, Langouette, hein, Val-d'Île, en dessous le mot Val-d'Île, vous étiez à Langouette, hein, si vous êtes allé voir Daniel Pieuf, donc, qui est président d'une communauté de communes, celle du Val-d'Île. Puis il y a trois autres en plus du Val-d'Île, le pays d'Aubigné, le pays de Liffré, le pays de Château-Giron. Donc ce territoire, il fait aujourd'hui, alors la diapo date un peu, hein, il y a 10 000 habitants de plus par an, hein, donc il en fait 480. Il y a toujours 69 communes, il y a 115 000 hectares. Et notre souci, c'est de ne pas trop consommer ce territoire, depuis toujours, de ne pas trop consommer ce territoire, compte tenu qu'on accueille de l'activité et du monde. On consomme 250 hectares par an pour l'urbanisation, tout confondu, et on essaie d'en consommer le moins possible. Alors, quand on décide cela, on ne peut pas le décider sur n'importe comment. Donc, le schéma qui vous est indiqué là est un schéma qui indique la philosophie de l'aménagement de ce territoire qui a été défendu par les élus. Donc, à chaque fois, il y a toujours une ville-centre. Simplement, en 1974, l'idée était qu'on aurait deux couloirs d'urbanisation, un au nord-est et un au sud-ouest. Vous avez deux flèches. Très rapidement, les élus se sont rendus compte que c'était un modèle dont ils ne voulaient pas. Ils voulaient, au contraire, se répartissent autour de la ville-centre. Donc, vous avez un schéma intermédiaire avec sept petits carrés, six petits carrés bleus. C'était l'idée d'avoir des secteurs d'appui autour des villes. Donc, c'est ce qu'on a appelé à Rennes la ceinture verte. La ceinture verte, ça n'a jamais été une bande verte autour de la rocade. Ça a été l'idée que l'agriculture se développerait autour de multiples ceintures vertes, autour des villes, autour de la ville-centre et autour des villes. Ce que vous vivez, hein, vous étiez à Rennes, je ne sais pas quelle route vous avez pris pour arriver, mais en arrivant à Mordel, vous avez traversé de l'agriculture, vous avez traversé des villes de l'agriculture, des villes de l'agriculture. Voilà. C'est ça l'idée de la ceinture verte et qu'on a traduit en 2007 par ce qu'on appelle la ville archipel. Alors, je fais attention quand j'emploie ce mot-là. Parce que ça dépend si on est marin ou si on est terrien. Quand on est marin, un archipel, en général, il est isolé. Et donc, nous, c'est l'inverse. Notre conception de la ville archipel, c'est la ville où les réseaux, où c'est relié. Alors, il y a un archipel, parce qu'il y a de l'archipel de construit dans du non construit, mais c'est la ville où c'est relié et où on assure, on essaie d'assumer. Alors, vous y allez peut-être après, c'est la diapo d'après, je pense. Ouais. On essaie d'assumer trois fonctions dans notre politique d'aménagement. Une fonction de centralité, parce que Rennes, c'est une ville de 200 000 habitants, c'est la capitale de la Bretagne, c'est une ville qui a la prétention et qui a le statut de métropole de par ses fonctions universitaires, de recherche, de capitale d'une région et de relations avec d'autres capitales voisines, comme Nantes ou Lyon ou Lille, voire de capitales européennes. Deuxième, donc ça c'est à la fois la centralité et le rayonnement, et puis une fonction de proximité, parce qu'il faut en même temps, pour les 480 000 habitants, assurer des fonctions de service au quotidien. C'est ce que vous allez voir à Mordel. Mordel, on a d'abord des fonctions, on n'a pas de fonction de rayonnement, on n'a pas d'université à Mordel. On est dans la métropole, mais on assure des fonctions de proximité pour tous les gens de la ville de Mordel et aussi un bassin à peu près de 35 000 habitants autour. Donc, c'est les trois fonctions. Donc, l'équilibre de notre SCOT c'est et de notre schéma d'aménagement, c'est de gérer ensemble les trois fonctions. Alors, on ne part pas de rien, on part dans un territoire, vous avez la carte en fond du SCOT du Pays de Rennes, on part d'un territoire d'abord donc, qui n'est pas extensible, hein, 115 000 hectares comme je vous l'ai dit, alors qu'on a de plus en plus de monde qui vient et les schémas qui sont proposés par l'INSEE montrent que cette croissance va se poursuivre, à la fois parce que la natalité, on a un solde naturel mais aussi un solde migratoire, les deux cumulés. La natalité est plus importante que la moyenne française, sachant que la moyenne française est plus importante que l'Europe, mais elle est plus importante que la moyenne française en Bretagne et ici, dans le Pays de Rennes, comme en reste de la Bretagne. Qu'en même temps, le solde naturel migratoire, du fait de la position de la Bretagne, du fait de la capitale régionale et de ses fonctions, est positif. Donc, il faut assumer les deux. Donc, il n'y a pas de raison que, en tout cas, nous, on s'est donné comme objectif, les élus, de continuer à accueillir les gens qui veulent venir chez nous. Et en même temps, il faut leur assurer des services et des emplois. Il nous faut donc en même temps préserver ce territoire en limitant la pression sur l'agriculture parce que vous êtes ici dans un des bassins agricoles les plus riches de France, hein, c'est le bassin de Rennes, c'est le potentiel de terre à Mordel, c'est du limon, hein, c'est le même que celui de la Beauce. Même avec une année sèche comme cette année, les gens ont fait des rendements très corrects, enfin moins beaux que d'habitude, mais je veux dire c'est de la très bonne terre agricole, c'est pas du tout les landes du centre Bretagne, donc c'est de la terre à fort potentiel agronomique. Donc, il y a par exemple dans ce territoire 1000 exploitations agricoles et des vraies exploitations agricoles bretonnes, c'est-à-dire des élevages, du lait, des poules, des maraîchers, mais tout. Mais c'est 1000 exploitations agricoles. Donc, on a un premier objectif qui est double, c'est celui de maintenir la qualité de ce territoire au sens large, qualité de production, qualité écologique, qualité, et en même temps l'économiser. Parce que comme on veut accueillir du monde, qu'il n'est pas extensible, on veut l'économiser. Donc ça a guidé complètement les règles du SCOT. On pourra y revenir tout à l'heure. Le schéma est là, est beaucoup trop petit, mais c'est une grande carte qu'on peut déplier, hein, que j'ai en haut. On a d'abord décidé de croître un peu partout de la même manière, c'est-à-dire que même si on doit travailler plus sur le cœur de la métropole, parce qu'il y a plus de densité urbaine et il y a plus de transports en commun, toutes les communes sont appelées à se développer dans le cadre du SCOT. Je vous parlerai de Mordel. Après, Mordel sera l'illustration de ce que décline le SCOT. La limitation de la consommation de l'espace fait que notre SCOT impose d'ici 2020 une consommation maximum d'espace dans chacune des communes, alors qui est proportionnelle à la commune. On ne consomme pas la même chose à Mordel qu'à 7 000 habitants, qu'à l'Ermitage à côté, qu'à 3 000 habitants. Mais on a une consommation maximum de l'espace. Donc, dont la règle a été fixée à partir de données qu'on s'est données de densité minimum à l'hectare. Donc, un PLU, le SCOT est adopté depuis plus de 3 ans. Donc, tous les PLU doivent présenter un ensemble de zones U dans leurs documents communaux. Les PLU sont communaux. Dans leurs documents communaux, des PLU doivent présenter des zones U inférieures à ce que le SCOT indique. Sinon, ils sont retoqués par le préfet. Donc, c'est ça la première mesure. Alors, on n'a pas décidé ça en 2007. Hein. On l'a voté en 2007, on l'a préparé pendant 4 ans. Et puis, c'était l'histoire de 30 ans de planification. C'est-à-dire que tous les élus partagent cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un élu qui veut la zone d'activité obligatoirement chez lui énorme. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 20 ans qu'on a la taxe professionnelle qu'on partage. ça fait, enfin pas tout à fait 20 ans, ça fait 18 ans, ça fait maintenant 20 ans que les transports en commun sont organisés dans chaque commune. Vous allez voir les bus, enfin pas trop aujourd'hui parce que c'est journée de grève, mais voilà, que vous avez dans chaque commune. Donc il n'y a plus de concurrence entre les communes sur la, il y a un réel débat pour dire, ben, on la met là la zone, on met là le truc, on met là le truc, on met là le truc. Donc c'est ça le SCOT, sinon il n'aurait pas été imposé, en tout cas il a appliqué. Hein. Je peux vous dire, moi je suis le président du SCOT. Cet après-midi, ce soir, on a un conseil d'administration. On voit le PLU de Melesse, là, une commune qui fait partie du Val d'Ille. Eh bien, on a des remarques à faire. Il va être appliqué, sinon leur PLU ne passera pas. Donc, je veux dire, c'est une règle. Et ça, c'est l'histoire de la planification rennaise. Voilà peut-être ce que je voulais vous dire. Alors, oui, parce qu'il me reste plus qu'un quart d'heure pour parler de bordel. Dans le fond général du contexte dans lequel on est. Alors après, sur Mordel. Donc, ça, on l'applique à chacune des communes. Donc moi, donc ce que je peux témoigner et ce que vous allez voir, et puis après discuter et voir si c'est cohérent avec ce que je vous ai dit en introduction. Donc Mordel, c'est une de ces communes de la communauté d'agglos. Moi, je suis maire avec une équipe de collègues depuis 1995. Donc ce que vous allez voir dans votre visite d'une heure et demie, c'est 15 ans d'histoire de politique communale, d'une histoire d'une politique communale qui a défini les questions du développement durable comme étant quelque chose de central dans la commune, sachant qu'en 1995 et encore aujourd'hui, moi je ne suis pas un élu vert, je suis pas un élu écolo, il n'y avait pas d'écolo en tant que tel. On a considéré que cette question du développement durable, une équipe plutôt orientée à gauche, hein, de gauche, mais ce n'est pas une équipe qui avait une sensibilité écologique particulière. Il y avait cette sensibilité écologique, considérait que le développement durable c'était une question importante pour la commune et que ça s'inscrivait bien dans la logique du SCOT. Alors, on a donc décidé de conduire des politiques qui tentaient d'être simples mais cohérentes. Alors, la politique d'urbanisme, elle est directement liée au SCOT. Depuis que je suis maire de Mordel, on a signé 1 600 logements en permis. Vous allez voir des logements tout à l'heure, 1 600 logements nouveaux. Et on a consommé 25 hectares de terres agricoles. Pour vous donner l'explication du SCOT. Alors pourquoi on a consommé 25 hectares de terres agricoles? Vous allez les voir, c'est dans une extension urbaine, une ZAC, hein, que vous allez visiter. Mais en même temps, on a fait plein de renouvellement urbain. Donc, quand vous faites du renouvellement urbain, c'est quelque chose qui est risqué pour les élus, ce qui a valu d'ailleurs qu'à la dernière élection, puisque nous en sommes à la troisième, sur ces deux secteurs-là, il y avait deux associations de riverains et que le score a été très serré à cause du travail qu'on avait fait engagé, qui n'était pas fini, qui est en train de se finir. Mais si vous voulez, ça, c'est compliqué, risqué, etc. Mais donc, à Mordel, 650 logements en extension, le reste dans le renouvellement urbain. Donc ça, c'est la première chose. Alors, deuxième chose à dire, les collègues ont dû vous le dire hier, on ne fait pas n'importe quel logement, c'est-à-dire qu'on fait des logements diversifiés, qui sont des logements qui correspondent à la population qui est dans nos communes. 30% des logements qu'on fait sont des logements qui sont aidés. La moitié en locatif, la moitié en accession sociale. Ça, ce n'est pas Mordel qui le décide. C'est Mordel qui le décide avec la métropole, puisque c'est le PLH de Rennes Métropole. Les 5 000 logements tout à l'heure qui sont indiqués là, c'est ça la règle. C'est une règle. Alors on fait ça parce qu'on pense que ça nous permet d'accueillir les populations qui sont chez nous, hein. À Mordel, un tiers des familles a moins de 1 200 euros par mois pour vivre. Un tiers à entre 1 200 et 2 400, un tiers à plus de 2 400. Ben, vous savez, les gens qui ont moins de 1 200, alors les familles, elles font 1,6 hein, de moyenne. Ben, pour vivre, vous pouvez être que dans du locatif social. Sinon, ce n'est pas des gens venus d'ailleurs, c'est des gens d'ici hein, qu'on peut loger. Entre 1 200 et 2 400, vous êtes sur la frange accession sociale. Donc c'est pour ça qu'on a besoin. Et au-dessus, simplement, vous pouvez commencer à vous acheter une maison. Donc si on veut loger les gens qui sont chez nous, pas d'ailleurs, on est obligé d'avoir cette politique de logement, donc qu'on applique à Mordel. Les actes que vous allez voir, c'est celle-là. C'est la mixité sociale à la rennaise, comme on dit, hein, qui est répartie partout, sachant que vous ne verrez pas, enfin, je ne sais pas si Jean-Claude, en faisant visiter, vous le dira, mais s'il ne vous le dit pas, ben, il fera un petit interrogatoire à la fin, et vous direz ce qu'étaient les logements sociaux des autres, vous aurez du mal à les distinguer, parce que c'est dans des opérations publiques de ZAC. Les ZAC ici sont en régie communale, et donc tout est mélangé, et on a du mal à voir, au bout du compte, les choses. Donc c'est une maîtrise publique, d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Sur Rennes Métropole, pour conduire la politique du PLH, il n'y a quasiment plus que des opérations de ZAC. Et elles sont, alors il doit y en avoir aujourd'hui 80 qui sont en route, 40 qui sont vivantes, 45 qui sont vivantes. Et sur les 45 qui sont vivantes, à mon avis, il y en a à peu près 40 qui sont ou publics ou concédés à la SEM de Rennes Métropole. Donc, il y a la maîtrise des opérations d'aménagement. Alors, il y a bien sûr des opérations privées, vous allez en voir tout à l'heure. Il y a des fois des petites opérations privées de 15 logements qui sont dans le tissu urbain. Mais les grandes opérations d'aménagement, elles sont quasiment toutes publiques et ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Ça a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est un peu plus long dans la procédure. C'est des fois un peu plus long dans les choses. Mais par contre, ça permet au moins que les élus soient responsables. On ne peut pas dire ce qui s'est fait à Mordel. Le maire de Mordel, il ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable. Hein. Ce qui s'est fait, ce que vous allez voir, ce qui est bien, c'est de la faute du maire. Ce qui est mal, c'est aussi de la faute du maire. Donc, je veux dire, c'est clair et c'est vrai dans la plupart des communes de Rennes Métropole. Il y a une maîtrise publique des élus qui font leur choix. Donc, je vous ai dit le nombre de logements, la mixité des logements que vous allez voir, des grands, des petits. Alors, en plus, social, locatif, aidé, etc. En plus de l'individuel et du collectif. Vous allez voir, hein, dans la ZAC, 40% de maisons individuelles et le reste, c'est du collectif, du petit collectif ou du collectif un peu en forme intermédiaire. Donc, c'est ça que vous allez voir. Donc, à Mordel, on a choisi donc, cette politique-là sur le logement. Deuxièmement, on a choisi une politique sur les bâtiments publics. C'est-à-dire qu'on a considéré que si on voulait engager véritablement un changement des gens, hein, nous sommes bien sûr, alors Jean-Luc Daubert a dû vous le dire, une des communes qui a signé la convention des maires, qui vient d'adopter son plan climat. Et si on veut être cohérent, il faut que d'abord la commune donne l'exemple sur les bâtiments publics et sur les espaces publics. Donc, tous les bâtiments publics qu'on a construits depuis 1995 ont toujours été faits avec cette touche du développement durable. Sachant que ça ne donne pas la même chose quand on est dans la mairie. Hein, voilà, c'est une, voilà, la mairie de Mordel, par exemple, elle a été faite et ouverte il y a maintenant 5 ans. Elle a été faite en deux phases parce qu'il y avait une ancienne mairie. Bah, construite avec des matériaux naturels, de la brique. Il n'y a pas de lime dans cette mairie. On récupère l'eau, on arrose avec l'eau de robinet, enfin récupérer, pardon, on arrose, j'ai fait une bêtise, il y a 6000 litres à côté, on arrose avec l'eau qu'on récupère, le toit est végétalisé, bon voilà, mais c'est là, vous allez voir la même chose sur le pôle petite enfance, mais autrement, c'est-à-dire que sur le pôle petite enfance, on ne récupère pas l'eau parce qu'il y avait des enfants, mais à chaque fois, on a donné une teinte de développement durable sur les bâtiments. Le dernier qu'on est en train de faire, c'est les services techniques, vous n'allez pas avoir le temps d'aller voir. Ils sont tout en bois, 2000 m². Toujours, toujours, toujours avec le souci du coût. On n'a jamais accepté de mettre dans le programme des surcoûts liés au développement durable. On a toujours fait les arbitrages qui nous permettraient de rester dans le programme qu'on s'était fixé. Ça veut dire concrètement, par exemple, autour de la mairie, vous n'avez pas de granit sur le parking autour. Vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'on a fait les arbitrages, on est toujours resté. Ce qu'on raisonne des fois en surcoût, c'est quand on va un peu plus loin. Par exemple, quand on veut que le bâtiment soit quasiment passif, on vient de le faire sur une salle de sport que vous n'allez pas voir, hein, qui consomme 25 kW par mètre carré parce qu'on l'a couvert de panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, les 650 mètres carrés de moquettes solaires, eh bien, ils ont été rajoutés en plus. Ce qu'on fait sur les services techniques, c'est pareil. C'est-à-dire que, mais sur le reste du bâtiment, on a toujours fait des arbitrages pour rester dans les coûts. Considérant, ça c'est la troisième volet, c'est que dans le développement durable, il ne faut pas que ce soit un développement durable réservé aux bobos, que ce soit un développement durable qui touche tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on investit sur les bâtiments publics et dans le social, vous verrez que la qualité des logements sociaux, elle est quelquefois supérieure à celle des bâtiments individuels, privés, parce que nous considérons que ça doit être accessible à tout le monde, quels que soient les moyens des gens. Et donc on ne fait pas des fois du HQE, on ne fait pas des fois du BBC, on fait ce qu'on peut pour rester dans des coûts. Jean-Claude va vous faire voir tout à l'heure une résidence qui a été maintenant livrée depuis 7 ou 8 ans, Belle-Île, 6 ans, 7 ans, 6 ans, qui est très, très pointue au niveau développement durable. Il vous expliquera ce qu'il y a dedans. C'est 80% des gens dedans qui sont des prêts à taux zéro. Donc, on est resté dans des... Alors, c'était une époque où c'était un peu moins cher qu'aujourd'hui, mais quand même. Donc, le souci d'être dans une démarche qui touche le maximum de gens. Alors, sur les espaces publics, je finis sur les espaces publics et puis je dirai un mot sur les acteurs. Bah, sur les espaces publics, on a aussi essayé d'avoir cette logique-là. Donc là, l'agglo rennaise est inscrite depuis longtemps. Donc, zéro pesticide partout, sauf devant l'église et le cimetière, et dans les deux cimetières. Donc, ce qui fait que vous allez voir de l'herbe. On a acheté en commun avec des communes le désherbeur thermique. Voilà, donc vous allez voir de l'herbe parce qu'il n'y a pas de désherbant. On est en Bretagne, sur une tête de bassin versant qui est un bassin versant où on prend de l'eau, là, à Mordel. Et donc, nous avons considéré, nous, les communes, que si on avait des leçons à donner aux agriculteurs, il fallait aussi qu'on balaye devant notre porte et donc qu'on fasse attention à ce qu'on faisait. Donc, on a mis du temps, le débat n'est pas fini parce qu'on n'arrête pas de se faire engueuler parce que, bien sûr, Vous savez qu'on paie de plus en plus d'impôts, pas uniquement à cause du développement durable, mais on paie un peu plus d'impôts et que ben, les gens nous disent on paie des impôts, vous pourriez nettoyer. Donc voilà, donc je veux dire, c'est le débat n'est pas facile, mais vous le verrez. Hein, il y a des réussites, il y a des endroits où les aménagements ont été bien faits et le permettent, il y a des endroits où on s'est trompé, ben, voilà, on ne fait pas toujours de la même manière. Deux derniers éclairages, donc pour faire tout ça, bien sûr, les élus peuvent toujours dire, causer, etc. Il faut que le personnel adhère. Donc on a eu une démarche avec le personnel de la commune maintenant qui est aboutie, qui a fait qu'on a fait un plan de formation dans le cadre d'une réflexion sur le service public. Et tous les personnels ont eu 8 jours de formation organisée avec le CNFPT sur les questions du développement durable. En croisant, donc ça représentait près de 600 jours de formation des gens, en croisant différents services à la fois par groupe de 15 personnes. Donc pendant 2 ans, ils ont fait ça en disant c'est quoi le développement durable et c'est quoi le développement durable dans mon métier. Quand je nettoie une salle de sport, quand je suis avec les enfants à l'école, quand je suis à l'accueil, comment je peux intégrer cette chose-là. Donc le personnel, parce que tout à l'heure, je parlais des espaces publics, ceux qui se font engueuler en général, c'est les agents communaux avant les élus. Donc il fallait aider le personnel à partager les objectifs des élus. Donc ça, on l'a fait. Alors déjà, c'est fini depuis 2 ans. Il y a déjà eu 12 de départs en retraite et d'autres nouveaux. Il faut qu'on continue une nouvelle promotion avec ceux qui arrivent pour en permanence entretenir la flamme. Et dernier élément, ce que je vous ai parlé, c'est l'action publique. Mais bien sûr, à Mordel, comme dans toutes les communes, l'action publique, c'est 20% de l'action de la commune. Le reste, c'est les acteurs, les habitants, les acteurs économiques. Donc Mordel, c'est une commune qui fait 7500 habitants et qui a 2200 emplois sur place dans la commune. Emplois de service, quelques emplois industriels. Donc il faut que les acteurs économiques aussi partagent cela. Donc là, on a une action qui est engagée avec un certain nombre d'acteurs économiques. Avec les habitants, alors on ne communique jamais assez avec les habitants. Vous savez qu'on ne les met jamais assez dans le coup. Mais on a alors un petit clin d'œil. Hein, on a mis en place un collectif solaire, par exemple. On a beaucoup de... pas mal d'habitants qui ont pris un modèle sur la commune et qui installent des panneaux solaires. Donc on a créé un collectif d'habitants qui ont du solaire chez eux. Ils sont maintenant, je crois qu'il y a 35 ou 40 installations, alors soit du chauffe-eau solaire, soit des panneaux solaires. Donc la commune a organisé ce collectif dont des gens qui discutent entre eux, qui ont une approche, puis qui font des portes ouvertes. On organise des balades pour les habitants, pour leur montrer, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est vous les visites qui nous avez... conduit à ça, les choses sont simples. Si vous voyez, ça faisait longtemps qu'on avait démarré, puis il y a un jour une visite qui a dit à Jean-Claude, mais qu'est-ce que les habitants en pensent ? Et nous, en fait, les habitants, souvent, on leur parlait de la mairie, on leur parlait de la salle de sport, mais on ne leur présentait pas la cohérence d'ensemble. Donc, on organise des balades, à la fois parce que dans tout ce que je vous ai dit, il y a vraiment 2 grands espaces à Mordel. Vous allez visiter l'espace urbain. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, la commune de Mordel fait 2800 hectares, il y a un grand espace agricole naturel. Donc, on conduit la même action sur la vallée du Meux. Vous allez la frôler à 2-3 endroits, mais il y a aussi la même réflexion qui touche les espaces naturels. Alors l'application de cette démarche dans les espaces naturels, ce n'est pas la même chose que quand on est dans le centre-ville. Puis dernier point, donc, sur les acteurs économiques. Historiquement, la commune de Mordel, vous allez vous en rendre compte ce matin, c'est une commune qui est située, donc là ce n'est pas historique, à 15 km du centre-ville de Rennes, mais qui a un potentiel économique commercial local important. C'est un vieux chef-lieu de canton, il y avait des marchés, il y avait des commerçants. Donc on a entretenu la flamme aussi par une action forte de l'action publique. Nous sommes aujourd'hui, Jean-Claude vous le montrera tout à l'heure, propriétaire d'à peu près 2 millions d'euros publics qu'on met à disposition des commerçants qu'on loue dans le cadre d'un budget annexe pour maintenir un commerce local fort. Hein. Vous allez voir plein de commerçants. Donc en créant des espaces, parce qu'on pense que dans la question du développement durable, la question du service de proximité, la dimension du service de proximité est très importante. Alors, bio ou pas bio, hein. Il y a un marché de producteurs le vendredi soir, il n'y a pas de bio parce qu'il n'y a pas de producteurs bio dans le coin. Donc on ne va pas chercher le bio en Roumanie ou en Chine, on prend les producteurs locaux. Quand c'est bio, vous allez voir un distributeur de lait. À Mordel, il y a 20 producteurs de lait, il n'y en a pas de bio, là c'est un producteur de Mordel de lait traditionnel. Ça serait idiot de faire venir du lait bio d'ailleurs, alors qu'il y a des producteurs de lait ici. Et on a cette action avec les commerçants. Alors ça, vous allez l'avoir sur le pôle du centre-ville. Et juste à la sortie de Mordel, il y a un pôle commercial mais qui touche dans la ville. C'est un Super U qui va faire 5000 m² et qui est aussi un pôle commercial fort de l'agglomération et du secteur et qui est en synergie avec ce qu'on fait. Par exemple, hein, je le dis parce que je pense qu'il y a peu de centres qui font ça. Dans le cas du SCOT et de la charte d'urbanisme commercial, il avait le droit de monter à 5000 m² de surface. Il a 3000 passages jour. Eh bien, il était à 3000 m². Et bien, plutôt que de l'agricole à 3 km ou à 2 km, on a ensemble décidé, ça a été un peu long, de se restructurer sur place. Donc il fait les 5000 m² sur place, il fait un parking souterrain, etc. Je peux vous dire que c'est, moi je dis chapeau, parce que ce serait beaucoup plus facile. Alors il savait qu'on n'allait pas accepter autrement, mais c'est beaucoup plus facile. Comment ? Alors c'est possible, il faut être très clair, c'est possible parce qu'en même temps il va croître. Hein, si jamais on lui avait dit tu restes à 3000 m² sur place, c'était trop cher pour lui. C'est qu'en même temps, il va augmenter son potentiel commercial. C'est-à-dire qu'il va faire sur place quelque chose qui lui coûte beaucoup plus cher que s'il avait acheté 4 hectares de terre à des agriculteurs pour implanter son nouveau Super U. Mais ça a du sens parce que c'est vraiment un travail de restructuration aussi sur place. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis je ne vous, parle pas des logements sociaux parce qu'il y a 400, il y a 500 logements. Alors si vous faisiez le compte par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a 3000 logements à Mordel, 20% ou 25%, ça ferait 750, sauf qu'on est parti dans le PLH depuis 10 ans. Donc on est parti de beaucoup plus bas que 25%, et c'est les nouveaux quartiers qui font un quart. Hein, les autres, les anciens quartiers faisaient beaucoup moins. Donc on a à peu près 500 logements, un peu plus de 500 logements locatifs sociaux à Mordel, par les quatre, gérés par les quatre offices de HLM, et on est en train de les réhabiliter pour certains, parce que c'est les anciens, et on a une résidence qui vient d'être réhabilitée de 50 logements là, à 300 mètres d'ici, 400 mètres d'ici, qui est une vieille résidence. La chaufferie fuel a été changée en chaufferie bois, et puis il a été isolé par l'extérieur avec des sons par l'extérieur ainsi que le changement des fenêtres, opération classique si vous voulez. Là on n'atteint pas les 88 kW, je crois qu'on atteint les 110 kW. On est parti de 400 kW par mètre carré à 110, on peut pas aller plus après, ça serait déraisonnable si vous voulez. Après on peut pas le faire. Donc on fait ce travail, je vous l'ai dit, sur l'espace public et sur les partenaires. Donc voilà ce que je vous ai présenté, je suis dans les temps, de manière un peu générale, puis maintenant vous allez voir dans la visite une petite synthèse de ça et vous allez pouvoir, alors on échange, on pose des questions, mais c'est ça que vous allez voir, la cohérence, la tentative de cohérence d'ensemble. Et je le dis bien à tous mes collègues élus qui viennent nous voir, attention, c'est pas 2 ans d'action, c'est 15 ans d'action. En plaisantant souvent, je dis que les élus qui veulent faire du développement durable et qui veulent faire du renouvellement urbain devrait être dispensé d'une élection entre 2 mandats. Parce qu'en général, au premier mandat, vous préparez, vous faites engueuler, vous commencez au deuxième et vous faites au troisième. Mordel, c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne vous a pas raconté l'histoire de Vezin le Coquet, mais vous étiez à Vezin hier. Ma collègue élue qui a lancé l'opération là, elle n'a pas été réélue. Là. Celle qui a porté l'opération des Champs Bleus, elle n'a pas franchi. Alors, il y a toujours plein d'histoires locales, vous savez, dans les communes, mais elle n'a pas été réélue. Hein, alors que si elle est portée, parce qu'elle n'a pas franchi, elle a passé un mandat à faire, à convaincre. Puis lors des dernières élections, les gens n'ont pas vu. Voilà ce que je vais dire. Ce que Bernard voulait dire, c'est qu'on a failli aussi passer. Si, je l'ai dit, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Je l'ai dit, Jean-Claude. 46 voix près. Et quand on fait une analyse très fine des résultats, c'est le bureau des nouveaux arrivants qui a failli nous mettre dehors. Et quand on creuse un petit peu, la réalité, c'est que vous avez fait des choses extraordinaires. Maintenant, on est arrivé, touchez plus à rien. Et c'est ça, ce sont les nouveaux qu'on fallait nous mettre. Une chose aussi que Bernard n'a pas insisté, c'est que sur le PLU, quand on a refondé le PLU, on a répertorié l'ensemble des commerces. Ouais, tu le diras tout à l'heure. Ouais. Et chaque commerce ne peut pas devenir une habitation. C'est-à-dire qu'un commerce restera un commerce. On a institué le droit de préemption sur les fonds de commerce. On a le droit de préemption sur les bâtiments, comme toutes les communes qui ont le DPU, mais en plus, on a un droit de préemption sur le fonds de commerce. Ça, donc, c'est possible de le faire quand vous faites une étude, que vous montrez que c'est nécessaire. Donc, on a un droit de préemption sur les fonds de commerce. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut exercer très facilement, parce que si vous l'exercez, vous êtes propriétaire et après, il faut louer. Mais nous, on est plutôt dans la dynamique, mais on a le droit de préemption sur les fonds de commerce. Bien, alors, peut-être des questions. Et alors, moi, je tiens à le dire, hein, parce que je pense qu'on le dit jamais assez. Ça, on l'a fait parce qu'on était à Mordel, mais aussi parce qu'on était tous ensemble dans l'agglomération. C'est-à-dire que vous avez vu autre chose, vous verrez autre chose demain. C'est-à-dire que tout ça, c'est parce que, avec nos collègues de Vezin, avec nos collègues de les autres maires de communes, on prend les idées les uns chez les autres, on travaille ensemble. Et voilà. Donc, Mordel n'a pas inventé la poudre. Mordel, il prend les idées, les gens viennent nous voir et inversement. Hein, c'est-à-dire que on échange entre nous, l'agglo sert de... Il y a une culture commune de ce débat-là. Si on avait été tout seul, on n'aurait pas fait le quart de ce qu'on a fait, d'abord au niveau des moyens financiers pour le PLH, puis après parce que les idées, on les prend tous ensemble et que c'est les uns et les autres. Ce qu'il y a de bien à un endroit, on le prend... Voilà.